princesse. Revoilà ton prince au pays des fous. Sabre en main, accompagné par le bruit du loup. Jusqu'au musée du Louvre, y'aura mon place. Je veux comme des livres, mes délits sont de trop. Visez ma tête, allez-y, c'est l'occasion. Miro, j'ai l'œil, mon album, c'est l'intro. Prenez mon âme et mon équipe à les bandes. Tu kiffes mon rap, sans l'avouer, c'est que t'as les glandes. Et ne te traite, t'as raté ta vie. Hades fait kiffer tes potes, t'as raté ta ville. Car à tes amis, sont karaté, j'suis habile. J'ai fait mon nom tout seul, j'avais pas besoin de carabine. Maintenant j'suis insolent, seul et insomniaque. Mais c'est toujours le même qui va distribuer des claques. J'suis trop fort en oral, et mon rap est honorable. Essayer de faire, c'est toujours la preuve en oral. Pas sonner l'alarme, ni couler les larmes. Si couler mon arme, et j'suis le sicou et voilà. Hades. Avant c'était main dans la main, aujourd'hui tu veux me voir mort, blessé par des gens trop hardcore, les gens ont peur et t'en profites. Tu fais pas le bien toi et du mal moi je flippe. Avant c'était main dans la main, aujourd'hui tu veux me voir mort, blessé par des gens trop hardcore, les gens ont peur et t'en profites. Tu fais pas le bien toi et du mal moi je flippe. Vas-y laisse passer, avance ou comme d'hab garde-toi. Ça y est je te dénonce et prends garde à toi. Rends-moi mon bien, mon oseille, le reste tu peux garder. Hades c'est une tapette, je m'en fous tu t'es pas regardé. Vas-y frappe moi, c'est toi la salope. Tu vises le plus faible, quand y'a costaud tu galopes. Ça y est j'ai plus rien, mon ex me prend pour un con. Me parle mal, me dit pas, dis-lui que je fous le compte à gagner. Et même chauffer les plus petits, pour me voir en panique et loin de ta vie. J'ai pas envie de traîner sous une crise, pendant qu'on me vise. Moi je fais du vise, et chérie, toi et moi on s'installe ailleurs. Mon rap c'est une bombe, envoyée dans un bunker. Laissez-moi vivre et laissez-moi ivre. Et je veux pas voir les traits, bien avant qu'on me livre le rasoir. Et passé sur ma peau, l'hypotension m'a envoyé où à l'hosto. On voulait me wet, petit à petit intelligemment. T'as changé de côté, vous êtes les grands, bah évidemment. Faites le mal, sans jamais payer. Et sur qui ça retombe? Sur les gosses de la cité. Ouais, faites le mal, sans jamais payer. Et sur qui ça retombe? Hey, sur les gosses de la cité. Avant c'était main dans la main, aujourd'hui tu veux me voir mort, blessé par des gens trop hardcore, les gens ont peur et t'en profites. Tu fais pas le bien toi, et du mal moi je flippe. Avant c'était main dans la main, aujourd'hui tu veux me voir mort, blessé par des gens trop hardcore, les gens ont peur et t'en profites. Tu fais pas le bien toi, et du mal moi je flippe. Je suis tellement parano que dans mes phrases on sent la vérité. Qui sont les vrais, qui sont les faux, reste à méditer. De moins en moins de monde à casse dédié, c'est normal, de moins en moins de monde tout court. Malgré tout ça, je vous aime et aussi je vous haïs. J'ai peur de vous faire du mal, contrairement à vos amis. On me reproche tout, cherche dans mes poches. Mais fais attention et si jamais tu t'égorges. Moi on me zappe, moi on me tape. Mais moi j'ai des rats dans mon taf, je claque. Tu veux me barrer la route, comme si t'étais Dieu. Si c'est toi qui choisis, qui sera ton mon Dieu. On récolte ce que l'on sème, dis je t'aime. C'est dur de se rabaisser, pour moi c'est idem. Fais le premier pas, mais surtout déconnez pas. J'avoue on se connaît pas, c'est ça qui fait qu'on est rare. Laisse tomber, les jeunes se prennent pour des psychologues. Eux-mêmes ils sont fous, ils s'en foutent, y'a du dialogue. Hades, un nom qui fera bien du chemin. Pas question de lâcher mon os, arriver devant les chiens. Avant c'était main dans la main, aujourd'hui tu veux me voir mort, blessé par des gens trop hardcore, les gens ont peur et t'en profites. Tu fais pas le bien toi, et du mal moi je flippe. Avant c'était main dans la main, aujourd'hui tu veux me voir mort, blessé par des gens trop hardcore, les gens ont peur et t'en profites. Tu fais pas le bien toi, et du mal moi je flippe.